assise au pied d'immeubles occupés. Seule, elle chante sous la grisaille avec regret. Une bande de jeunes passant s'arrêter. Pourtant, il met tout son cœur dans ce qu'elle fait. Et puis un jour elle s'est retrouvée sans son mari, ses enfants qu'elle aimait. Elle ne savait pas où aller, complètement déboussolée, se demandant ce qu'il y arrivait, pas de toi. Elle tend la main, la tête droite. Y'a de la pluie qui tombe sur sa peau moite. Douze cloches sonnent la sortie d'école. Des mères attendent leur enfant dans la bagnole. Et puis un jour elle s'est retrouvée sans son mari, ses enfants qu'elle aimait. Elle ne savait pas où aller, complètement déboussolée, se demandant ce qu'il y arrivait, pas de toi on serait réfugié. C'était une artiste et se donner à fond pour suivre sa passion. Elle a toute la pire et n'a pas supporté jusqu'à ce qu'elle foute sa vie en l'air. Love.